crâne d'un seul homme. Force et honneur. Ok, c'est FNX, c'est force et honneur. Chaque jour est une épreuve, j'ai toujours appris mes erreurs. Donc j'avance avec force et honneur. J'ai toujours sur le corps la mort avant le déshonneur. Je commence ce texte avec la trêve placée sous le beat. C'est Irish Prime, brave heart sur le beat. On se jette dans le vide, on vit nos vies sur le fil. On zigzag pour ne pas tomber dans leur filet. À la carte hurricane qui va tomber ce week-end. Ici y'a pas le Obama, y'a pas le Yes Weekend. Nous c'est toujours la merde, le pays des droits de l'homme. Mais on est toujours là et c'est ce qui fait la valeur d'un homme. Et comme dit Kerry, chacun a sa part d'ombre. Tu me vois en train de rire, mais dans ma tête c'est la guerre qui gronde. Comme tous les vrais hommes, on se cache pour pleurer. La force et l'honneur, c'est ce qui nous fait tenir la durée. Il faut savoir esquiver le vice pour s'en sortir ici. Il faut l'intelligence d'un Grissom ou d'un Ryuzaki. Parce qu'aujourd'hui, ouvrir sa moule n'est pas à la mode. Moi j'utilise mon cahier de rime comme un Death Note. C'est FNX, c'est force et honneur. Chaque jour est une épreuve, j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc j'avance avec force et honneur. J'ai toujours sur le corps la mort avant le déshonneur. C'est FNX, c'est force et honneur. Chaque jour est une épreuve, j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc j'avance avec force et honneur. J'ai toujours sur le corps la mort avant le déshonneur. Deuxième couplet, j'ai 7-3 posés sur le torse. Je sais qu'il veille sur moi, c'est ce qui fait ma force. J'attends pas que les choses se corsent pour me tourner vers lui. Moi je sais que Dieu est là, c'est ma force, question de survie. Philosophie de Obi-Wan, fier comme un samouraï. La force dont je te parle, c'est pas celle dont tu te sers en one-on-one, mais celle qui motivera les combats au plus profond de ton âme. J'espère avoir la force et le courage d'un Barnouti Marwan. Ou bien avoir la verve d'un Collins Michael. Soulever des mouvements et des foules en ouvrant sa gueule. Un peu comme Martin, Nelson ou Malcolm. De CD, vient des discours, moi je fais des albums. Ici c'est pas les aides de l'État qui vont remplir le frigo. Il leur faut un sacré courage pour se relever du bas niveau. Je viens relever le niveau, pas là pour jouer l'acteur. Et dans mes textes, mets toutes mes tripes, tout mon cœur, yo. C'est FNX, c'est force et honneur. Chaque jour est une épreuve, j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc j'avance avec force et honneur. J'ai toujours sur le corps la mort dans le déshonneur. C'est FNX, c'est force et honneur. Chaque jour est une épreuve, j'ai toujours appris de mes erreurs. Donc j'avance avec force et honneur. J'ai toujours sur le corps la mort dans le déshonneur. Troisième couplet, j'ai ce mic posé sur la tempe. Soit je rappe, soit je laisse la life, presser la détente. Et je suis pas prêt de me laisser marcher sur les pieds. Ma force et mon honneur m'ont fait me sortir de ce guépier. Ici c'est pas rose tous les jours, mais on avance comme on peut. Ceux qui te donneront le plus sont ceux qui possèdent très peu. Pourquoi? Bah je représente, je fais du son